est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. C'était un petit homme. Il avait des yeux étonnants. Il faisait un peu peur à ce qu'on peut appeler les bourgeois, parce qu'il avait toujours un revolver à la main. Et dans la littérature, il y a pas mal de bourgeois. Vous ne pensez pas que je m'avais vous expliqué de Père Ubu. J'ai le subi, coup c'est déjà sur bien l'histoire, joli. Le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Ubuesque, voilà bien un adjectif qui s'est imposé tranquillement, je devrais dire plutôt de façon tonitruante, dans notre parler quotidien. Le précieux dictionnaire du CRTNL, le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, donne cette définition ubuesque qui évoque le grotesque du père Ubu par un despotisme, une cruauté, un cynisme, une forfanterie d'un caractère outrancier ou par des petitesses dérisoires. Fin de citation. On trouve peu de personnages de la littérature, vous pourrez chercher, qui aient mérité sa postérité de la sorte en imposant un vocable qualificatif. Plus d'un siècle après la première représentation retentissante du Burois, la pièce majeure d'Alfred Jarry, le 9 décembre de l'an de grâce 1896, au Théâtre de l'Œuvre, à Paris, son personnage impose encore de la sorte une présence dont une multitude de pièces à succès de l'époque sont absolument dépourvues. Celles-ci ont été englouties dans le gouffre impitoyable de l'oubli d'où personne ne songe à les repêcher. Donc, on est intrigué. Donc, on est porté à s'interroger, selon la vocation de cette émission, sur les ressorts de cette permanence enviable et, en somme, de cette durable actualité du roi Ubu. Ces ressorts, faut-il les chercher du côté d'une extravagance qui surmonte toutes les fantaisies de son temps, d'une profondeur humaine qui fait fi des conventions superficielles du provisoire, d'une philosophie désinvolte de l'absurde qui frôle une éternité. Pascal Horry, professeur émérite à la Sorbonne, devrait nous aider à ne pas nous laisser dominer par ces interrogations en vérité taraudantes. Je lui fais confiance pour cela, parce que rien de l'histoire culturelle de la France depuis le XIXe siècle ne lui est étranger, comme le savent bien les auditeurs de France Culture. Nous allons donc affronter ce défi ensemble, de concert et de conserve. Et je compte bien, par ma chandelle verte cornegidouille, que nous allons en triompher. Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste dans la rue du Champ de Mars de la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession de modiste et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuages, nous exhibions nos beaux accoutrements et nous allions voir le desservelage, rue de l'Échaudé, passer un bon moment. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les rentiers trembler. Hourra, corne au cul, vive le père Ubu! Ça, c'est le cœur. Il donnait un peu de voix parce qu'ils sont nombreux. Nos deux marmots chéris, barbouillés de confiture, brandissant avec foi des poupées en papier, avec nous s'installaient sur le haut de la voiture, et nous roulions gaiement vers l'Échaudé. On se précipite en foule à la barrière. On se fiche des coups pour être au premier rang. Moi, je me mettais toujours sur un tas de pierres pour pas salir mes godillots dans le sang. Voyez, voyez la machine tourner, voyez, voyez la cervelle sauter, voyez, voyez les rentiers trembler. Hourra, corne au cul, vive le père Ubu! Pascal Horry, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Je vous ai offert Michel Simon, qui récite la chanson du desservelage dans Ubu Roi. Oui, c'est un beau cadeau pour Michel Simon, c'est tout à fait sa philosophie. Et il devait jubiler, ça se sent, en récitant ce qui est d'habitude chanté, hein, puisqu'il y a aussi une musique là-dessus, c'est la chanson du desservelage. Et c'est une bonne introduction parce qu'on pourrait passer toute l'émission à commenter le texte, ce qu'on ne fera quand même pas. On ne le fera pas, je vous en avertis. Par exemple, il y a allusion à deux lieux qui résume la trajectoire d'Alfred Jarry, qui fut, hélas, pour lui, fort courte, 34 ans. Oui, il a vécu de 1873 à 1907. Et oui. Et la rue du Champ de Mars, de la paroisse de Toussaint, je me permets de dire que ce fut ma paroisse. Petite notation autobiographique. Jeunesse, à Rennes. C'est effectivement le moment où le jeune Alfred Jarry, il a 15 ans, né à Laval, grandi, pour simplifier, à Saint-Brieuc, arrive à Rennes, arrive au lycée de Rennes. Et c'est là qu'il va rencontrer une sorte de geste potachique qui donnera ensuite toute la ligne des UBU. Ça, c'est le premier Jarry, le Jarry qui se découvre lui-même, d'ailleurs, à ce contact-là. Et la rue de l'Échaudé, de la chanson, c'est une allusion, alors cryptée, au Mercure de France, donc cette fameuse revue symboliste dont fait partie cette personne qu'on vient d'entendre dans le générique de début, Rachilde. C'est-à-dire, en fait, la revue de l'avant-garde littéraire de l'époque. Donc, c'est un bon résumé du destin de Jarry. Alfred Valette, Rachilde, le Mercure de France. En un temps où les revues ont une grande importance dans la vie culturelle. Exactement. Et il faut noter tout de suite que Alfred Jarry, si on sait, quand on s'intéresse à Jarry, qu'il est très lié au Mercure de France, donc à toute cette avant-garde, sous la lumière de personnalités comme Mallarmé, par exemple, ou Rémy de Gourmont, a aussi été un collaborateur de l'autre grande revue de cette époque, la Revue Blanche, qu'on associe en général aujourd'hui, à juste titre, à l'affaire Dreyfus. Il y entre à l'époque de l'affaire Dreyfus, mais qui est au départ l'autre grande revue d'avant-garde symboliste. Attardons-nous un instant, Pascal Horry, sur les origines bretonnes de Jarry. Saint-Brieuc, il n'a pas aimé. Il a fait ce petit poème. À Saint-Brieuc des Choux, tout est plus ou moins bête, et les bons habitants ont tous perdu la tête. À deux lieues est la mer, à deux pas les fumiers. C'est un texte de jeunesse de Jarry, qui n'est d'ailleurs pas au sens strict d'origine bretonne, mais on pourrait dire que c'est Rennes, capitale de la Bretagne, qui se découvre lui-même fondamentalement, mais il est né à Laval. Donc les origines sont plutôt mayennaises. Milieu petit bourgeois. Oui, ayant eu des revers de fortune, ça c'est très important. Quand on fait la liste de ceux qui sont issus incontestablement d'un milieu bourgeois, moyen bourgeois, peu importe, mais dont la structure a été ébranlée par une crise économique. Là, clairement, le père de Jarry a fait de mauvaises affaires. Il avait créé une entreprise de filature qui a été prospère et qui est tombée. Oui, et ça a mis en danger d'ailleurs le couple parental. Donc tout ça, sans être le docteur Freud, on peut dire que ça peut jouer un rôle. En tous les cas, il se retrouve assez vite à Saint-Brieuc, c'est-à-dire du côté de la famille maternelle. Et en 1888, et ça c'est capital, pour 3 ans, il va habiter à Rennes. 3 ans, ça paraît très court, mais c'est là qu'il rencontre des camarades de lycée qui ont déjà élaboré de façon collective un véritable personnage mythique à partir d'un professeur de physique-chimie, Félix Hébert. Eh bien, nous possédons le texte d'un discours de distribution des prix prononcé par Félix Frédéric Hébert au lycée de Rouen le 8 août 1865, l'époque où les classes se terminaient au début du mois d'août. C'est un texte qui est lu ici par l'admirable Michel Bouquet le 6 août 1977 sur France Culture. Ça a l'air d'un pastiche. Peut-on rester étranger au progrès de la science quand à chaque pas on profite de ses immortelles créations? Soit que la vapeur nous entraîne avec son effrayante rapidité jusqu'aux extrémités du monde, ou que, fendant audacieusement les flots, elle se rit du vieil éole et transporte jusqu'aux plages les plus lointaines les armes et le génie de la France. Ou que, plus humble dans ses allures, elle taille et façonne dans nos usines, pour nos besoins ou nos plaisirs, les innombrables produits de l'industrie moderne. Ou que, empressée d'économiser à l'homme le travail et la fatigue, elle supplée aux bras insuffisants du laboureur pour moissonner nos champs et battre nos javelles. Soit que, rapide comme la pensée, franchissant avec la même facilité les steppes glacées du nord et les régions brûlées des tropiques, bravant même les immenses et terribles déchaînements de l'océan, le télégraphe aille porter jusque dans les régions les plus éloignées de l'Amérique et de l'Asie la pensée civilisatrice qui seule pourra un jour réaliser cette admirable utopie de la fraternité universelle. Aimez donc la science, qui nous a fait si grands, et qui, plus que la gloire militaire et ses sanglants trophées, vaudra à notre patrie une illustration impérissable. Et qui sait encore, élever nos âmes et diriger nos pensées vers le ciel, en nous révélant chaque jour de plus en plus l'ordre admirable établi par le divin créateur de l'univers. Voilà, voilà, du spirituel. C'est un des rares cas où Hébert n'a pas dû être chahuté, Pascal Horry. On peut l'espérer, mais vraiment un des rares cas. Comme vous le disiez justement, Jean-Noël Jeannet, on a l'impression que c'est un pastiche. C'est tout à fait à prendre, là pour le coup, au premier degré. Le côté pontifiant du personnage était connu. C'était un pontifiant qui ne se faisait pas entendre de ses élèves. L'allusion au créateur de l'univers précise que nous avons affaire à quelqu'un qui est chahuté pour une deuxième raison qui ne concerne que certains de ses élèves, c'est qu'il est clairement catholique et qu'il a même fait un choix politique. À la fin des années 1870, il a choisi ce qu'on appelle l'ordre moral, qui s'est réinstauré pendant quelques temps, juste avant la victoire électorale des Républicains. Si nous sommes aujourd'hui encore en République, c'est en grande partie grâce aux victoires des Républicains en 1877 et 79. Le 16 mai. Voilà. Entre-temps, nous avons eu le Sacré-Cœur comme enfant de la période de l'ordre moral, les années 1870. On en débat aujourd'hui. Tout à fait. Et M. Hébert est clairement du côté du Sacré-Cœur. Bon, il est éphémèrement inspecteur d'académie et grâce à ce gouvernement d'ordre moral, ce qui fait que quand les Républicains l'emportent, eh bien, il est sanctionné et rétrogradé à l'état de professeur chahuté. Il n'en sortira plus, sauf que à la fin du siècle, il y a des élections municipales, en 1900 pour être précis, dernier jour du siècle, à Rennes comme ailleurs, et il se présente sur la liste anti-Dreyfusarde. Donc quelques mois auparavant, dans le lycée de Rennes, a eu lieu le procès Alfred Dreyfus. C'est vraiment un lycée historique, hein, ce lycée qui fut aussi le mien. En 1900, il se présente aux élections. Il est le doyen d'âge de la liste anti-Dreyfusarde qui gagne les élections. C'est lui qui prononce, Félix Hébert, donc le père Ubu, qui prononce le discours du doyen d'âge, en bafouillant. Et un journaliste de la presse de gauche locale l'appelle père Ubu. Tout le monde sait que c'est lui le modèle du père Ubu. C'est quand même assez saisissant. On peut dire, mais vous exagérez, pourquoi faites-vous intervenir la politique là-dedans, le dreyfusisme, l'anti-dreyfusisme? Au même moment, Alfred Jarry est le collaborateur de la Revue Blanche, qui est la grande revue des Dreyfusards. Donc en somme, pour Hébert, en le regardant, on peut hésiter entre le goût de le plaindre rétrospectivement pour la position qu'il a eue à l'origine ou de le féliciter pour une pérennité inattendue. Tout à fait. J'ajoute qu'il était l'immortel, entre guillemets, auteur d'une thèse de météorologie. Vous avez consulté naturellement dans votre science infinie. Bien entendu, et d'ailleurs beaucoup de gens très sérieusement l'ont consulté parce que Félix Hébert est devenu un objet d'étude. Il y a eu plusieurs travaux sur Hébert, eh oui. Et l'hébertologie prospère. Oui, tout à fait, et c'est exactement. Et cette thèse porte sur ce que l'on appelait à l'époque le tonnerre en boule, plus généralement les tourbillons aériens. Et je me suis dit, en surinterprétant, mais avec Hébert et avec Jarry, on surinterprète toujours, et on n'est encore pas assez dans la surinterprétation, mais les tourbillons, le tonnerre en boule, c'est ce qu'il vivait tous les jours dans sa classe. C'est de ce personnage affreusement chahuté que j'arrive à tirer la figure d'Ubu. Et voilà la description qu'en donne un de ses camarades, M. Hébert, professeur de physique, chahuté. C'était un énorme ventre planté sur des jambes courtes qu'étayaient de larges pieds plats. Au-dessus, une tête blafarde, une tête encombrée de chair, couleur de mouton, que gardaient des yeux maigres. Une moustache jaunie s'arrondissait en râtelier sur les deux lèvres, accroché au tableau noir, comme une mouche sur une vitre. Il fallait le faire souffrir. Depuis 10 générations scolaires, durait son supplice. On a tous connu des professeurs chahutés, mais celui-ci est entré dans la littérature à son corps défendant, en somme. Oui, corps défendant, c'est le mot. C'est un très beau texte de Henri Hertz, un écrivain oublié aujourd'hui, qui parle d'ailleurs avec beaucoup de compassion de ce professeur chahuté. C'était un record. Il était à Rennes en fin de carrière, c'était son 10e poste, 10 fois chahuté. Quand il était dans le Limousin, un an après la Commune de Paris, c'est même allé jusqu'à l'intervention de l'armée au lycée, vous imaginez. À la fin de sa carrière rennaise, l'administration avait réussi à trouver de l'argent pour faire que pendant le cours de M. Hébert, il y ait un surveillant qui se chargeât de la discipline, quand même. C'était extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas aller jusque-là. Donc, il était extrêmement chahuté. Il était habillé d'une façon désuète. Il parlait de façon parfois incompréhensible, mais il faut dire que le chahut aggravait encore sa parole. C'était vraiment un bouc émissaire. Et quand Jarret arrive, la geste du père H, du PH, du père Heb, du père Ébouille, du père Ébance est déjà installée. Il y a même une pièce de théâtre qui s'appelle « Les Polonais ». Simplement, le génie propre de Jarry, ça n'a pas été d'être un plagiaire, mais de considérer que c'était très sérieux tout ça. Que le personnage d'Ubu, l'histoire très inspirée de Shakespeare, parce que si vous avez vu déjà ou si vous avez lu Uberoi, vous voyez qu'on est très proche de Macbeth. La mère Ubu, c'est Lady Macbeth. De Hamlet, etc. Pour le titre, c'est plutôt Sophocle, Oedipe. Exactement, Proie. Mais il y a des inspirations diverses et variées. Ce sont quand même des élèves, plutôt des bons élèves, hein, qui élaborent d'abord une sorte de pastiche, c'est sur le dos de leur professeur. Il faut préciser que Jarry est plutôt un bon élève, c'est un excellent latiniste, etc. Et c'est l'un des meneurs, sinon du chahut, du moins du moment où ça devient pathétique. Et Hertz, justement, dit bien que Jarry chahutait comme les autres, mais il chahutait de façon froide. Les autres chahutaient comme des potaches. Et on sentait bien la différence de chahut, d'où allait sortir Uberoi. Naissance collective, il y a deux frères Morin qui contribuent à la naissance de cette œuvre. Cette œuvre de potache, comme vous le dites. Oui, c'est une pochade de potache. C'est un travail collectif. Et après la mort de Jarry, un certain Chassé a interrogé les frères Morin pour leur faire dire, grosso modo, Jarry n'a rien inventé, mais ce n'est pas comprendre l'évolution fondamentale, puisque c'est quand Jarry arrive dans la classe du lycée de Rennes en 1888 qu'il a l'idée, et il entraîne le cadet des frères Morin dans l'aventure, de transformer effectivement ça en spectacle. Et successivement à Rennes, on va représenter ce qui va être Uberoi, mais d'abord les Polonais, avec des acteurs en chair et en os, ensuite avec des marionnettes, et enfin en théâtre d'ombre. Et ça, c'est le génie de Jarry. Il va porter ça ensuite à Paris, où il arrive à partir de 1891, et cinq ans plus tard, comme vous l'avez dit, c'est la découverte par l'avant-garde parisienne, d'un objet de scandale, mais qui est devenu un mythe mondial. Ces années parisiennes, par conséquent, sont intéressantes dans la genèse d'un talent, dans la genèse d'un personnage et de son auteur. Écoutez ce témoignage de Paul Fort. Vous savez, Paul Fort a été le fameux prince des poètes. Il est mort tard, dans les années 50, et il raconte ce qu'était Jarry arrivant à Paris en cagne et ensuite avec toutes les ambitions classique, on a l'impression là d'être dans une page du Lagarde et Michard. Le jeune homme monte à Paris avec l'ambition d'eux, etc. Et voilà comment Paul Fort l'a vu. Il se publie en ce moment des cahiers du collège de pataphysique que j'approuve entièrement et qui prouvent que si les destinées littéraires françaises ont raté, après les guerres de religion, un Shakespeare, elles ont, sous Carnot, frôlé de près un Rabelais. Il était populaire parmi nous, ce tout jeune homme fin, spirituel, pâle et musclé, populaire. Non seulement lui, mais sa façon de vivre entre ses caméléons et ses hiboux. Mais qui ne connaît son père Ubu ? C'est au Livre d'Art, une revue dirigée par votre serviteur, que revint l'honneur et la chance de publier dans son intégralité l'immortel Uberoi. Alfred Jarry, à cette époque, ne voulait plus être que poète lyrique, et cette œuvre, écrite au lycée, ne l'intéressait plus guère. Mais il allait, c'est de l'histoire vraie, en brûler le manuscrit. C'est Charles Guérin, le peintre Ullmann, Charles-Henri Hirsch et moi qui le lui avons arraché des mains et l'avons publié contre son gré, bien mieux. Lorsqu'enfin il nous le laissa prendre, après nous avoir, dans une affreuse colère, arraché, lui, quelques cheveux, il ne nous sela point que tout était en désordre dans son texte. Pendant une nuit entière, chez ma belle-mère, rue Saint-Placide, et sans Jarry, nous mîmes les scènes en un ordre à peu près logique. Et cet ordre, par miracle, se trouva être le bon. Ensuite, nous condamnâmes à l'immortalité Père Ubu, Mère Ubu, Capitaine Bordure et tous les palotins. Et surtout, Alfred Jarry. Alors voilà Paul Fort, le fameux auteur de « Si tous les gars du monde pouvaient se donner la main » plus tard. Voilà comment Paul Fort, en tirant un peu la couverture à lui, à vrai dire, oui, tout à fait, raconte la genèse d'Uberoi. Oui, parce que tout le monde, à partir du succès de Scandale, puis après une ou deux générations d'admiration universelle, un succès qui conduira à la Pléiade. Il faut savoir que cet auteur dont nous parlons est maintenant à la Pléiade depuis le début des années 1970. Une édition de Michel Arrivé. Voilà, tout le monde tire un peu la couverture à soi. C'est effectivement une création collective à Rennes. L'avant-garde parisienne s'en saisit et le grand metteur en scène de théâtre de cette avant-garde symboliste, Lugnepo, va au théâtre de l'œuvre monter le spectacle avec rien de moins que Firmin Gémier, le très grand comédien, futur créateur du Théâtre National Populaire dans le rôle de Ubu. Donc il y a toute une société parisienne qui se saisit de cet objet et Paul Fort laisse entendre que l'ordre des scènes aurait été recomposé par lui et ses amis. Bon, c'est très très discutable et discuté, mais incontestablement, vous avez à ce moment-là, en 1896, une curiosité intense autour de ce spectacle qui va être une petite bataille d'Hernani. On sait aujourd'hui d'ailleurs que Alfred Jarry avait un peu préparé la salle et ça, c'est très Jarry. Il avait recruté une claque, comme on disait, mais pour en particulier huer. C'est peut-être la seule fois dans l'histoire du théâtre où au lieu d'applaudir seulement, on doit siffler la pièce pour exciter encore un peu plus le public. Et ça, c'est vraiment toute la situation paradoxale de Jarry. Et donc, scandale, le journal Le Figaro s'offusque, les petites revues d'avant-garde applaudissent, mais évidemment, sans qu'il l'ait vraiment voulu, Jarry est lancé. Oui, ce 9 décembre 1896 est absolument fondamental. Beaucoup d'esprits de qualité néanmoins applaudissent. Et ce n'est pas seulement un rejet par les critiques conservateurs. Je vois que dans cette salle où il y a Heredia, Rostand, Jules Renard, Paul Valéry, André Gide, Courteline, Colette, etc., on est souvent favorable, il y a des belles citations. « Mon cher Jarry, écrit Mallarmé, tout simplement pour admirer Ubu Roy, et vous pressez la main. Je crois vraiment que l'on est trop pénétré ici de cette œuvre exceptionnelle, déclamée à haute voix, lue de tout esprit, pour en rien savoir écrire. » On a l'impression que Mallarmé se pastiche lui-même. « Vous avez mis debout, avec une glaise rare et durable au doigt, un personnage prodigieux, et les siens, cela, mon cher ami, en sobre et sûr sculpteur dramatique. Il entre dans le répertoire de haut goût et me hante. Merci, Mallarmé. » À cette glaise rare, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, d'emblée, Ubu, c'est aussi une forme. C'est d'abord la manière dont Gémier va s'habiller. C'est aussi l'accompagnement par des dessins de Jarry, des dessins parfois des potages du lycée de Rennes. Ensuite, Bonnard, c'est-à-dire que vous voyez, on passe des potages qui font des petits dessins pendant un court chahuté à Bonnard. Un jour, ce sera Max Ernst ou Picasso. Et la Revue Blanche, j'insiste quand même sur elle, puisqu'on parle toujours du Mercure de France, la Revue Blanche est présente déjà dans cette salle. Et la plupart des noms qu'on vient de citer ont un lien avec la Revue Blanche. Et on trouve des approbations de plumes célèbres. À côté de Mallarmé, je vois Verhaeren, Émile Verhaeren, qui écrit, qui salue un particulièrement curieux et drôlatique petit livre, c'est Ubu, avant qu'il soit représenté. Apparaissant aux premières lignes, mystificatoire et fou, extravagant, incohérent, se fichant du lecteur, accumulant les blagues estudiantines, les rattachements chimériques en une action mouvementée, tronçonnée, chaotée, racontant l'usurpation du trône de Pologne par le père Ubu, etc., etc. Vous constaterez, à travers l'exemple de Verhaeren, ou d'ailleurs de Mallarmé, que le texte de Jarry semble exciter la verve de ceux qui le commentent, qui ne cherchent pas à faire du Jarry, mais qui essayent d'écrire un peu autrement, en surjouant. Et c'est un autre succès de Jarry, qui d'ailleurs au même moment, parce que la représentation fameuse a été précédée d'une courte conférence de Jarry, on pense aux conférences d'Antonin Artaud deux générations plus tard. Ça, c'était la pratique du théâtre de l'œuvre de Lugnepo. Tout à fait. Et cette conférence qui est peu entendue, parce que déjà, il commence à y avoir un brouhaha, est l'occasion pour Jarry de montrer qu'il est en train de jouer un personnage. Et tout à l'heure, Rachilde s'est même aventuré jusqu'à parler du Ubu en voulant parler de Jarry. C'est-à-dire que ça devient complexe. Jarry, il ne faut pas imaginer, d'ailleurs, Verhaeren, Mallarmé, les autres ont du mal à se situer, que Ubu, c'est forcément le mal. Ubu, c'est d'une certaine façon quelqu'un qui est en nous, qui explose à cette occasion-là. Et ce qui est frappant, c'est que Jarry va devenir une sorte de personnage qu'on va finir même par inviter pour son côté, alors au minimum supposé grotesque, voire au maximum radical, on dirait aujourd'hui radical. Et son rapport à Ubu, c'est un rapport assez complexe. Ubu fascine Jarry, hein, clairement. Comme le fait remarquer Michel Arrivé dans la Pléiade, il y a peu d'exemples de disproportion aussi flagrante entre la notoriété, qui est à peu près mythique, d'un nom, et la méconnaissance à peu près générale du reste de l'œuvre. Exactement, parce que j'insiste sur le fait que Jarry était au lycée de Rennes un bon élève. Ensuite, à Paris, il sera un érudit. Mais vous pensez à quelqu'un comme Rémy de Gourmont, qu'on a à peu près oublié, mais qui est un des piliers de la revue Le Mercure de France, qui est à la fois un érudit, Marcel Schwab, auquel Uburoy est dédié tout à fait dans ce domaine, mais pensez à Borges aujourd'hui. C'est gens qui ont une vraie culture traditionnelle, mais qui s'en servent de manière assez subversive. Et c'est ce que fait Jarry, qui s'intéresse beaucoup à la gravure ancienne, aux poèmes médiévaux, etc. Oui, Rabelais est un de ses maîtres. Tout à fait. Et il a une vraie culture littéraire remontant les siècles. Ce que ceux qui ne voient qu'un agitateur anarchiste ne comprennent pas. Écoutons, cela s'impose à ce point de notre conversation consacrée à Jarry, le père d'Ubu, Pascal Horry. Écoutons un extrait très fameux de la pièce. C'est Jacques Fabry qui interprète Ubu avec les comédiens de sa compagnie qui donnent la scène des nobles le 14 février 1954. Sa Majesté, le père Ubu! France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Apportez la caisse à noble, et le couteau à noble, et le crochet à noble, et le bouquin à noble. Ensuite, faites avancer les nobles. Modère-toi, Père Ubu. Amenez le premier noble. Ceux qui sont condamnés à mort, je les passerai dans la trappe. Ils tomberont dans les sous-sols du Pince-Port et de la chambre à sous, où on les décervellera. Qui es-tu, bouffre ? Comte de Vitebsk. De combien sont-ils revenus ? 3 millions de rixdales. Condamné. Ah ! Ah ! Quelle basse férocité ! Second noble ! Qui es-tu ? Répondras-tu, bouffre ? Grand-duc de Pogène. Excellent, excellent. Je n'en demande pas plus long. Condamné, dans la trappe. Troisième noble ! Qui es-tu ? T'as une sale tête. Prince de Podoli. De combien sont-ils revenus? Je suis ruiné. Ah, pour cette mauvaise parole, dans la trappe. Oh. Et qu'as-tu à pigner, mes rubus? Fais-toi féroce, père Ubu. Ah, je m'enrichis. Alors en avant les nobles. Et comme je ne finirai pas de m'enrichir, je vais faire tuer tous les nobles et ainsi j'aurai tous les biens vacants. Je veux faire des lois maintenant. On va voir ça. Nous allons d'abord réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement. Merdre. Merdre, le mot est resté emblématique. Merdre, c'est le mot qui ouvre la pièce. Qui ouvre la pièce, qui ouvre le chahut en 1896, et auquel on se référera pendant un certain temps, comme si ça se résumait à ça. Mais évidemment, tout est dans le R, déjà. Tout est dans le lieu où ça se passe, avec cette belle formule qui sera accolée à la pièce, mais qui lui est autonome au départ. La scène se passe en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Ce qui est très fort, très violent, très juste, puisque en 1896, il n'y a plus de Pologne, fini ce polonier. La Pologne est partagée entre l'Autriche, la Prusse et surtout la Russie. Et je peux vous dire que tous les artistes polonais connaissent cette phrase, mais absolument par cœur. En adjoignant une autre, s'il n'y avait pas de Pologne, il n'y aurait pas de Polonais, qui est apparemment contradictoire. Exactement. Et il y a toute une postérité polonaise très intéressante du Uburoy et de Jarry. Notamment musical, non ? Oui, un opéra de Krzysztof Penderecki lui-même, consacré à Uburoy, un film polonais de Piotr Szulkin. Enfin, on imagine bien que l'écho jusqu'à aujourd'hui, parce que le destin tragique de la Pologne, c'est pas arrêté à l'époque de la pièce de théâtre. Tout le XXe siècle polonais semble marqué par une forme de tragique. Et c'est une phrase d'une violence et malheureusement d'une pertinence considérable. Comment est construite la pièce ou comment est-elle déconstruite? Elle est assez construite, assez largement sur le modèle de Macbeth, hein, j'y insiste de nouveau, mais pas que. La mère Ubu, c'est Lady Macbeth qui pousse son mari et sa mollesse à une action. À une action que du coup, il porte à des degrés, on vient de l'entendre, extraordinaires. Il veut remplacer, et il liquide d'ailleurs le roi, Venceslas. Il veut empêcher Bougrelas, ou Bougrelas, de prendre la place de son père. Tout ça va se terminer relativement mal, parce qu'il va perdre la couronne, mais il ne va pas perdre la vie. Guerre avec la Russie, personnage du tsar. Oui, tout à fait. Et c'est un méli-mélo de référence à un certain nombre de pays, on l'a entendu, de régions de cette zone, d'ailleurs, aujourd'hui toujours encore disputée, Pologne, Biélorussie, Ukraine, Russie, etc. Et de référence, en effet, la plupart du temps, shakespearienne, d'ailleurs. Quand on joue Uberoi dans son intégralité, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui est même rarement le cas maintenant, les héros passent par Elsener. Donc là aussi, ces jeunes gens très cultivés savaient à qui ils s'adressaient. Hamlet. Voilà. Et on peut dire que ce qui a quand même saisi, positivement ou négativement, peu importe, les spectateurs, puis les lecteurs, etc., et puis désormais, vous imaginez, Jean-Christophe Averty a fait une émission à partir d'Uberoi. Dans les années 60. Dans les années 60, en 1965 de mémoire, et Jean-Christophe Averty, évidemment grand auteur de la télévision française. Très inventif. Voilà, héritier du surréalisme, admirateur de Jarry, a repris ensuite d'autres œuvres de Jarry. Il a même consacré une sorte de documentaire à ce personnage. Donc, on sent bien que c'est la force de ces caractères, le Père Ubu principalement, mais pas que. La Mère Ubu mériterait d'être étudiée de près, elle l'a été d'ailleurs, parce que maintenant il y a quantité de commentaires universitaires, hein, je vous rassure. Tout se termine en Sorbonne, comme disait, je crois, Valérie. Donc maintenant, c'est un objet presque sacré, Jarry. Mais la pièce reste très forte, elle est traduite dans toutes les langues, elle est jouée au Japon, etc. Et les jeunes troupes, parce que Jacques Fabry, c'était vraiment le type même de la jeune troupe des années 50, Jean Villard, etc., ont chacun proposé une version. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps, en 2017, les Bouffes du Nord montaient cette pièce. En somme, ce qui demeure de ce moment, cette soirée essentielle, il n'y a eu que deux représentations en 1896. Ce qui perdure, c'est cette capacité qu'a eu Jarry d'être une sorte de chaînon entre le symbolisme et le surréalisme. Mais à court terme, l'Uniepo est catastrophé. Il explique que le public d'avant-garde est flasque et inconsistant et qu'il est très difficile de tenir un tel théâtre dans un système commercial. Oui, c'est plutôt un mauvais souvenir pour le metteur en scène qui est aussi le directeur d'une salle privée, hein, et qui a des comptes à rendre à ses actionnaires. En même temps, pour Jarry, c'est l'occasion de pouvoir développer sa propre œuvre, puisque malgré tout, Uberoi est une œuvre composite où il y a des éléments qui viennent de l'époque de la création collective du lycée de Rennes. Et ensuite, il peut développer une œuvre originale, insituable, fasciné par des formes d'érotisme, par un retour incessant à des traditions qu'il magnifie. C'est une œuvre très très originale et un peu déconcertante pour ceux qui ne voient que Uberoi. Une originalité ingénue, dit Rémy de Gourmont, que vous citiez tout à l'heure, Pascal Horry. Tout à fait, parce que tous ces contemporains qui ont quand même forgé le mythe, non plus de Ubu, mais de Jarry, étaient au contact d'un personnage qui lui-même, bon, on l'a déjà entendu avec le témoignage de Rachilde, son fameux revolver, présente l'image, presque, ça peut paraître paradoxal, d'un dandy, mais un dandy radical, anticonformiste, et qui est capable de passer son temps, et ça finit par être un piège dans lequel il tombe, d'ailleurs, il n'a peut-être pas le choix, à provoquer. Et évidemment, le grand risque, c'est que vous deveniez un provocateur professionnel, qu'on vous invite dans les salons même pour provoquer. Et il y a quelques anecdotes sur Jarry, qui est invité, puis qui se révèle un compagnon tout à fait sympathique et assez calme. Et c'est presque scandaleux, là, pour le coup. Il est en quelque sorte enfermé dans la propre image qu'il a d'établir. C'est ce qui ressort d'ailleurs de ce témoignage de Rachilde. Vous évoquez Rachilde, Pascal Horry, il y a un instant. Donc la femme d'Alfred Valette, elle-même une responsable et une animatrice de la grande revue du Mercure de France. Écoutez son récit, elle est interviewée par Pierre Dumayet en 1946 dans « Un homme, une œuvre ». Un jour, il me trouve chez moi en train de lire le journal, ce qui ne m'arrive pas souvent, mais enfin je le faisais à ce temps-là quelquefois pour me mettre au courant des nouvelles. Alors il me dit, mais disons madame, comme il avait un accent bizarre, mais je ne sais pas, limite. Pourquoi lisez-vous le journal? Quand je suis là, je peux vous donner des nouvelles bien plus intéressantes. Je dis, écoutez, perdu, laissez-moi finir mon article, et puis après. Alors il pense en revolver et il tire dans le journal. Il tirait très juste. Remarquez que la main qui tenait le journal pouvait recevoir la balle. Je n'ai pas trouvé ça drôle. J'ai dit, heureusement que vous êtes bon tireur. Seulement, faites très attention. Si vous recommencez, je tire à mon tour. Et si vous ne tenez rien, c'est la main que j'attraperai ou l'oreille. Ah, mais vous connaissez peut-être la fameuse histoire. Seulement, je vois bien que c'est un peu raide, ça. Nous avions loué une maison que nous appelions le Phalanstère, parce que nous étions 7 ou 8 là-dedans, des camarades à mon mari et mon mari. Et c'était moi, la seule femme existante, qui dirigeait la boîte, et c'était pas drôle. Alors, en réalité, un jour, il a l'idée de se mettre à tirer des oiseaux qui passaient dans les arbres, tiraient sur les branches, tiraient sur n'importe quoi. Et la propriétaire de la maison que nous habitions arrive affolée. Et elle dit, mais madame, n'est-ce pas? Et nous étions là, le 7 ou 8, qui la recevions, et moi je me disais, qu'est-ce qui va arriver, n'est-ce pas? On va nous mettre à la porte, très probablement. Et alors elle dit, mais qu'est-ce qui tire des coups de revolver comme ça? Alors l'affaire est vue, qu'il était brave, n'est-ce pas, se présente, dit, c'est moi, madame. Mais monsieur, vous ne savez donc pas que j'ai des enfants? Oh, madame, si ce malheur arrivait, nous vous en ferions d'autres. Je n'ai pas besoin de vous dire que la propriétaire est partie, que nous l'avons jamais. Les anecdotes pullulent, il se met lui-même constamment en scène. La belle biographie de Jarry par Patrick Beignet s'ouvre sur tout un choix d'anecdotes qui lui paraissent symboliques. C'est Henri de Régnier qui raconte « Jarry pratique la bicyclette, le canotage, la pêche à la ligne et grimpé sur un arbre, prend à l'hameçon les poulets du voisin. » Et c'est Jules Renard qui raconte ceci. On pourrait être interminable sur ces évocations. On passe devant chez lui et on entend « pan, pan, pan ». C'est Jarry qui, à coups de revolver, tue les araignées, mais il garde les toiles, ça orne. Il installe ses cabinets au-dessus de la sonnette de la porte, on tire la corde, la cuvette se vide, ce mouvement qui était perdu est utilisé. Ça tombe bien sur le visiteur, mais les cabinets sont toujours propres. Tuer les araignées et conserver les toiles, c'est le résumé de Jarry, bien entendu. Et on conserve heureusement les toiles de Jarry, qui sont quelques œuvres qui passent parfois inaperçues. Alors, il faut bien savoir qu'après Ubu Roi et une sorte d'annexe Ubu Cocu qui renvoie encore à l'époque rennaise, Jarry deviendra le seul auteur de Ubu Enchaîné, qui est une pièce moins connue, qui attendra même l'exposition universelle de 1937 pour être montée d'ailleurs par un remarquable metteur en scène tragiquement disparu pendant la guerre, Sylvain Itkin, avec des décors de Max Ernst, hein, excusez du peu. Et Ubu Enchaîné, c'est quand même assez subtil, parce que Ubu, pour s'en sortir, après l'épisode d'Ubu Roi, se transforme en esclave. Et donc il y a une sorte d'inversion, il se transforme en esclave pour prendre le pouvoir. Et là, on sent bien que ce n'est plus le potage qui parle, hein. C'est quelque chose d'assez subtil, de même que Ambroise Vollard, le grand, on dirait galeriste aujourd'hui, marchand d'art de l'avant-garde de l'époque, Cézanne, Picasso, Matisse, etc., va être tellement fasciné par Jarry, qu'il a connu, et par Ubu, qu'il va, publier une demi-douzaine de livres autour du personnage d'Ubu, pour parler de son époque. Un très petit tirage. Et avec des dessins des plus grands artistes proches de Vollard. On sent bien que c'est cet homme qui peut être rejeté dans les ténèbres comme un clown, quoi, qui fait l'intéressant, fascine. Bon, certainement une minorité, une avant-garde, mais qui va passer le relais, parce que Vollard, c'est tout, toute la peinture moderne du début du XXe siècle, quand même. Cet homme, dans le même temps, est pauvre, vit difficilement, et il est contraint de faire de ses logements et de la misère où il vit aussi quelque chose comme une œuvre d'art. Au fond, ce qui frappe, c'est que sa vie et son œuvre sont toujours intimement mêlées. C'est pour ça que j'évoquais le dandy, on pense à Baudelaire, on pense à ces personnages qui veulent faire de leur vie une œuvre d'art. Il loge boulevard de Port-Royal ou rue Cassette et il donne des noms tout à fait Jarrick. On dit Jarrick ? Oui. Calvaire du Trucidé, boulevard de Port-Royal, grande chasublerie, rue Cassette. Oui, parce que la fameuse formule de l'enchantement du monde qui remonte à Schiller, et de son désenchantement ensuite, il l'applique, mais il l'applique de façon radicale, décalée, et d'ailleurs autodestructrice. C'est évidemment pas un dandy qui va s'habiller de la façon la plus élégante pour briller dans les salons les plus mondains. C'est quelqu'un qui passe son temps à tirer dans les toiles d'araignée et à se tirer lui-même. J'ai pas une balle dans le pied, mais à se tirer lui-même, puisque l'alcool intervient assez tôt et finalement contribuera avec le reste à ébrécher et raccourcir sa vie. Il meurt très jeune, une vision, il meurt à 34 ans. Oui, et clairement, cela fait déjà un ou deux ans qu'il a un pied dans la tombe. Il y a d'ailleurs une belle formule de Max Jacob. Vous voyez, tous ces grands noms quand même, qui sont réunis symboliquement autour de lui, de ce supposé pantin grotesque, et ensuite autour de son cadavre. Il y a une belle formule de Max Jacob dans une lettre à Picasso, et Alfred Jarry est presque moribond, mais il va tenir encore un certain temps. Jarry mort, la place d'Arlequin est à prendre. C'est assez beau. Donc un Arlequin, mais alors un Arlequin vraiment violent, qui tire des coups de revolver. Il est en quête de l'absolu à travers la relativité généralisée de l'univers. C'est une formule du critique Henri Béat. Oui, qui est un grand spécialiste du surréalisme. C'est là qu'on voit apparaître le personnage de Faustrol, qui naît à l'âge de 63 ans. Il naît à l'âge de 63 ans en 1898 et qui va devenir le grand symbole, le curateur inamovible du collège de pataphysique plus tard. Poser la personnalité de Faustrol, qui est beaucoup moins connue que Burois, mais qui est assez centrale par rapport à l'œuvre de Jarry. Qui est centrale, à mon avis, surtout dans la manière dont les autres avant-gardes, à partir des années 30 et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, vont s'en ressaisir. Parce que Faustrol, c'est un personnage insituable, qui est une sorte de savant absolu et en même temps de destructeur de la science. C'est lui qui préside à toute la partie de l'œuvre de Jarry qui se veut une réflexion sur l'univers. Parce que Jarry a des ambitions presque métaphysiques, en effet. Sauf qu'il va appeler ça, et Faustrol, la pataphysique. Et pourquoi ? Parce que au départ, on revient au lycée de Rennes, comme Hébert est professeur de physique, évidemment la science du père Ubu, qui n'est pas Hébert, c'est ça justement qu'il faut comprendre, c'est la pataphysique, qui est à la physique ce que la métaphysique serait à la physique dans un univers supposé normal. Et c'est intéressant de voir que s'il y a aujourd'hui une ère pataphysique, elle vient de Faustrol. Et c'est à partir du personnage de Faustrol qu'on reconstitue un univers qu'on pourrait dire parallèle. C'est un peu comme si Jarry, pendant sa courte vie, aura essayé de vivre une vie parallèle. Et il l'a payé très cher, mais il a gagné son pari de manière posthume. Il n'y a pas de raison de dissimuler, Pascal Horry, que vous avez des liens avec le collège de pataphysique. Disons que c'est le collège qui établit des liens. Donc on est venu un jour me chercher pour me proposer d'être ce qu'on appelle régent. Alors vous avez une hiérarchie. C'est quoi ? Les régents sont, comme leur nom le rappelle, mais peut-être pas beaucoup à nos contemporains, sont des professeurs. Ils enseignent, ils ont une chaire. On m'a apporté sur un plateau une chaire, donc je n'avais vraiment pas à discuter. Et donc je suis régent de chronolyse et d'iconocritique. Alors chronolyse, j'aurais tendance à dire, chacun fait ensuite la traduction de sa chaire, bien sûr, Ionesco et les autres. Bon, moi j'ai traduit chronolyse comme étant à l'histoire ce que la pataphysique est à la physique. Je tenais à souligner la majesté de mon invité. Et je vais vous faire entendre à propos du collège de pataphysique qui conduit jusqu'aujourd'hui, donc, cet extrait d'un sketch de Boris Vian qui dialogue avec Henri Salvador à propos de la pataphysique. C'est un extrait de la radio d'État du 25 mai 1959. Tenez. Voyons un peu. Ainsi, la pataphysique qui ne s'ignore pas se sépare-t-elle radicalement de celle qui s'ignore sans toutefois s'en distinguer le moins du monde. Oh là là là là là, oh. Ça vous paraît obscur ? Subtil, n'est-ce pas ? Lisez ceci. Alfred Jarry, gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien, roman néo-scientifique suivi de spéculations. Paris, 1911. Ouvrez-le à la page 21. Voilà, le livre 2. Éléments de pataphysique 8. Définition la pataphysique, dont l'étymologie doit s'écrire épiméta-physica, est la science de ce qui se surajoute à la métaphysique, soit en elle-même, soit hors d'elle-même, s'étendant aussi loin au-delà de celle-ci que celle-ci au-delà de la physique. Exemple, l'épiphénomène étant souvent l'accident, la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoi qu'on dise qu'il n'y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l'univers supplémentaire à celui-ci, ou moins ambitieusement décrira un univers que l'on peut voir et que peut-être l'on doit voir à la place du traditionnel, les lois que l'on a cru découvrir de l'univers traditionnel étant des corrélations d'exceptions aussi, quoique plus fréquentes, en tout cas de faits accidentels qui se réduisant à des exceptions peu exceptionnelles n'ont même pas l'attrait de la singularité. Voilà un texte tellement clair qu'il décourage toute glose, Pascal Horry. C'est le but. Retenez quand même certains passages comme la définition, il y a 36 définitions de la pataphysique, et c'est la 37e qui est la bonne, bien sûr, comme science du particulier. C'est-à-dire qu'on prend les définitions classiques de la science avec un grand S, on les retourne, et on se dit, après tout, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une science du particulier? Je cite encore, les lois qui régissent les exceptions. Et je précise qu'effectivement, on vient d'entendre Boris Vian, qui était satrape du collège de pataphysique. Alors par rapport à un régent, un satrape, c'est beaucoup plus haut dans la hiérarchie. Je salue votre modestie. Oui, Boris Vian était donc satrape comme Ionesco, et un certain nombre de fortes personnalités qui ont été intégrées à ce collège, créé le 11 mai 1948 vulgaire, car je précise que, bien entendu, il existe une ère pataphysique, et je vous apprends peut-être, Jean-Noël, que nous sommes aujourd'hui le samedi 24 octobre 2020, je ne me trompe pas. Nous sommes le 19e jour du mois de AA, de l'an 148 de l'ère pataphysique. C'est un des rares jours où on est conservé un saint du calendrier catholique, parce qu'en général, tout ça explose. C'est Saint Raphaël, précisons, Saint Raphaël, virgule, apéritif et philistin. Voilà, qu'on le sache. Mais ce collège de pataphysique a été créé comme par hasard par un professeur de lycée. On retrouve le lycée, sauf que ce professeur qui s'appelle éternellement Emmanuel Payet, était professeur de philosophie, pas de physique, et qu'il a terminé à Louis-le-Grand. Donc c'est un destin quand même assez différent de celui de Félix Hébert. Et cet homme, sous plusieurs noms, a été omniprésent dans la première génération du collège, et il en a fait quelque chose de grandiose, parce que effectivement, on pourrait énumérer tous les grands noms qui ont été, qui sont donc éternellement membres du collège de pataphysique. C'est lui qui a inventé ces chaires fondamentales et permanentes que vous évoquez, la mythographie des sciences exactes et des sciences absurdes, la nautique épigéenne et hypogéenne, la vélocipédologie, la crocodilologie, les travaux pratiques du Belge. En général, en s'inspirant de Faustrol ou d'autres textes de Jarry, et puis en décollant. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans le cas du collège, c'est que vous avez de fortes personnalités qui sont là aussi pour la montre, hein, mais qui jouent le jeu, comme ceux qu'on vient de citer, Vian, Ionesco, Raymond Queneau, tant d'autres. Et puis des artistes, appelons-les comme ça, ou des intellectuels, appelons-les comme ça, qui se sont plus investis encore dans le collège, des gens comme Arabal, par exemple, François Le Lyonnais, ce grand mathématicien, et qui vont contribuer à créer d'ailleurs d'autres structures comme les OUX, c'est-à-dire les ouvroirs potentiels, le premier d'entre eux... L'Oulipo. Alors l'Oulipo est le fils du collège de pataphysique? En quelque sorte, un petit peu comme... Le petit-fils de Jarry. Oui, en quelque sorte, ce sont des filles de, comme on disait, pour les cisterciens. Donc vous avez au départ le collège, qui est toujours là présent parmi nous, crise diverses et variées ou pas. Il a été occulté, le collège, pendant un certain nombre d'années, mais il a été désocculté en l'an 2000 vulgaire. Il y a eu tout un débat au sein du collège. On avait décidé donc de s'occulter, donc d'avoir encore des activités écrites, mais pas publiques. Bon, rien qui puisse s'apparenter à un contact avec un public, un contact direct. Bon. Et puis, il était question de se désocculter au moment de l'an 2000. Mais il y avait débat. Est-ce que c'était l'an 2000 vulgaire ou l'an 2000 pataphysique, auquel cas il fallait attendre encore très longtemps, puisque l'ère pataphysique commence en 1873, vulgaire, avec la naissance de Jarry, le 8 septembre, vulgaire. Donc, on a décidé, au sein du collège, visiblement, j'en faisais pas encore partie, que c'était peut-être plus simple de se désocculter tôt, donc en l'an 2000 vulgaire. Et la grande cérémonie de désoccultation a eu lieu d'ailleurs dans la ville de Chartres, sous la forme d'une grande exposition récapitulative. Alors, quelles sont les relations précises entre le collège et l'Oulipo? Les fondateurs sont en général membres du collège, en tous les cas ont sucé le lait du collège dans leur enfance, mais Queneau, le Lyonnais qui a été un producteur d'émissions sur France Culture, qu'on le sache, un grand mathématicien. J'écoutais dévotement ses émissions à l'époque sans savoir qu'un jour j'allais rejoindre le collège. Et l'Oulipo a multiplié les exercices pratiques. Et d'ailleurs, une émission comme Les Papous en était clairement l'héritière. L'Oulipo existe toujours. Et ses archives sont aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal, qui est une partie de la Bibliothèque nationale de France. Exactement, la Bibliothèque de l'Arsenal qui est très tournée vers la pataphysique. Et l'Oulipo a testé quantité d'exercices, alors qui ne sont pas simplement linguistiques ou littéraires, qui sont des exercices de pensée, et qui ont rencontré un large public. C'est le moment où le collège qui n'hésite pas à manifester une certaine distance à l'égard d'un large public, c'est là qu'on sent bien que l'esprit de Jarry, alors évidemment filtré par plusieurs générations d'autres esprits radicaux, continue à, j'allais dire, percoler dans la société. Et regardez le succès qu'avaient les émissions des Papous, par exemple, qui en sont quand même des échos pas trop déformés. Hein. Que reste-t-il du surréalisme qui a été aussi inspiré par Jarry? Je vois que dans l'anthologie de l'humour noir de Breton, Jarry figure en majesté. Bien sûr, et d'ailleurs Apollinaire, à qui on doit le mot surréalisme, Apollinaire admirait Jarry et était présent au moment de l'enterrement de Jarry. Et le lien, une sorte de franc-maçonnerie radicale se constitue à ce moment-là. On peut dire que Jarry fait du surréalisme sans le savoir, ou que Breton est un héritier, alors là, en le sachant de Jarry. Cette manière de manipuler quand même quelque part, hein, c'est même ambigu la manipulation, de manipuler l'univers pour sa propre jouissance, hein, et un petit peu de ça dans la démarche de Jarry. Le théâtre de l'absurde peut aussi être défini dans l'héritage de Jarry. Ni Beckett ni Ionesco n'ont fait mystère de leur dette à l'égard de Dubu. Oui, et je pense que c'est particulièrement sensible dans l'œuvre de Ionesco, qui était, comme souvent, pataphysicien sans le savoir, ce qui fait que Emmanuel Payet et les autres sont venus le voir en disant « Écoutez, vous ne le saviez pas, mais on vous l'apprend, vous êtes pataphysicien. » Et ces grands noms, Queneau aussi, ont bien volontiers accepté et ont participé et ont publié des textes. Il faut quand même penser que quelqu'un comme Raymond Queneau est à la fois l'auteur de chansons, l'auteur de poèmes que l'on sait, mais c'est aussi un grand encyclopédiste. C'était même un mathématicien, comme le Lyonnais. Donc vous avez des savants qui se sont retrouvés dans l'image de fausses trolls, hein, qui pourtant avaient été créés d'une certaine façon pour dynamiter la science. Mais je pense qu'à un certain niveau d'autoréflexion, on rejoint la pataphysique. Ça, c'est clair. On peut introduire un autre élément qui, lui, est dans l'ordre du plus sinistre. C'est Roger Poldroit qui a parlé un jour de l'ubuisation du monde, par référence à l'ubérisation du monde, en évoquant la suite des tyrans dérisoires de notre XXe siècle. Il cite Idi Amin Dada, Bokassa, Ceausescu. Oui, alors là, les pataphysiciens sont prudents. Ils considèrent que Ubu, ce n'est pas simplement l'autre, hein, comme on l'a dit d'ailleurs, il y a eu un travail sur Ubu, c'est l'autre, de Julien Chu. C'est facile d'accabler Ubu, clairement pour Jarry, qui se déguisait d'une certaine façon en Ubu de temps à autre, et qui pouvait être appelé Ubu par ses amis, a fortiori par ses ennemis, devait reconnaître que le personnage, c'est un peu notre part obscure. Hein. Donc c'est un peu facile de parler de dictateurs ubuesques. Écoutez, la plupart des dictateurs ont une part de popularité qui explique qu'ils puissent se maintenir longtemps au pouvoir. Et ça, je crois que la lecture de l'œuvre de Jarry permet de mieux comprendre non pas cette contradiction, mais cette ambiguïté qui donne d'ailleurs le vertige. Mais des situations ubuesques, alors continuons, est-ce qu'en 2020, on ne peut pas dire que nos contemporains, nous-mêmes, sommes dans des situations complètement inversées par rapport à ce qui paraissait être les règles le 1er janvier de cette année. Oui. C'est-à-dire, vous voulez dire, vous parlez peut-être de certains virus? Certains virus, en tous les cas, imaginez, c'est très Jarrec quand même, ce petit virus, ou c'est très le Lyonnais, qui fait qu'aujourd'hui nous portons des masques, nous entendons parler de couvre-feu, nous ne devons plus nous serrer la main, nous ne devons plus aller dans les cafés. Imaginez ce qu'on aurait pensé si on nous avait dit ça le 1er janvier de cette année. Alors, peut-être que là, le terme ubuesque correspondrait mieux à la dimension, je n'hésite pas à le dire, tragique de la situation actuelle. Merci beaucoup, merci Pascal Aurier. La bibliographie que vous trouverez plus complète sur notre site est riche, beaucoup plus riche qu'elle l'aurait été il y a une cinquantaine d'années. Il trône en majesté la biographie d'Alfred Jarry par Patrick Beignet chez Fayard, l'édition de la Pléiade, plus ancienne, due à Michel Arrivé, la biographie de Noël Arnaud, également plus ancienne, mais qui a compté. Et puis, tout récemment, celle que nous devons à Alastair Brochi, un Britannique, qui s'appelle Alfred Jarry, une vie pataphysique, une biographie très illustrée. On peut ajouter pour les auditeurs qui, sans doute, n'attendent plus que ce moment pour s'abonner aux publications du Collège de Pataphysique, et de ce fait mettre un pied dans la porte du collège, que le collège continue de façon imperturbable à publier 4 numéros par an de cette revue qui change de nom tous les 28 numéros, mais qui conserve un avant-titre, Viridis Candela, la chandelle verte. Et nous en sommes actuellement à la fin d'une série et en 2021 vulgaire, il y aura de nouveau un changement de nom. Pour l'instant, c'est le publicateur du collège. 9e titre depuis 1950 vulgaire. Et puis avant de nous séparer, Pascal Aurier, je tiens à annoncer ce qui sera votre opus magnum, peut-être votre œuvre majeure, si je vous comprends bien, c'est-à-dire un livre qui va apparaître dans la Bibliothèque des Histoires chez Gallimard, très prestigieuse, et qui s'intitulera « Qu'est-ce qu'une nation ?» Une histoire internationale. Une histoire mondiale. Une histoire mondiale, une histoire mondiale. Vous reprenez le titre de la conférence si fameuse d'Ernest Renan de 1882, mais avec une ampleur nouvelle. Nous sommes très gourmands de cette publication. Vous pourrez, mes chers auditeurs, trouver une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez, bien sûr, écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous nous retrouverons sur le thème « Les Français sont-ils d'éternels Gaulois ?» Cela à partir d'une formule déjà notoire, pour ne pas dire célèbre, et toute récente, du chef de l'État. Et je recevrai pour en parler Étienne Bourdon. Trois grenouilles passèrent le gué, mamie en laine, avec des aiguilles et un dé, du fil de laine. Et bien sur le fond d'un court poème d'Alfred Jarry, mis en musique et interprété par Mireille, qui avait été diffusé à la radio le 30 janvier 1952, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guérou, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Déborah Dagobert, à la discothèque Nathalie Rouvillain et Anne Delaveau pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est plein de sang. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour son émission Affaires étrangères. Nous ne toucherons point au sang, mamie Olaine. Aimerions mieux pourrir dedans avec la laine. Le roi n'est plus, le roi est mort, mamie Olaine. Et nous partagerons son sort. Ploum, ploum, ploum, ploum, ploum, ploum, ploum, ploum, ploum. Casser la laine.